c'est moi, c'est loi. Mon cause créole, moi fais santé que tout le monde la voit. Tout bande de créole, bah écoute nous la voix. Tout nation créole en nous en misère dans l'unité et dans la joie. Donc en créole, pas de langage que tu gagnes reconnaît. L'école pas tous les nous communiquer. Aujourd'hui tout ça ne sens et tout le monde entier. Créole y en a sans dignité avec son droit pour la santé. Oh mon créole, nous travaillons. Écris, vive langage.